Thank you. figure en proie, cueillant les fleurs de la bohème. Le souvenir que du vacarme est ce carquois en bandoulière. Est-il censé que je m'assoie pour retenir ce poème? Corps des sourds que j'aperçois est bien souvent son volontaire pour réveiller chez les dégâts de la sagesse dans leurs affaires. Mais ma voix se fait presser, ma santé trop délicate accepte l'air trop puissant seulement si les mots sont papier. Thank you. Thank you. Thank you. La hâte s'attend pour ma faire couplant. M'la houplant de peau. M'la houplant de peau. Ta houfemme. M'la de fenêtre, non, ce de beau. Au fleur d'un rond. Thank you. Thank you.